Le culte de la dégradation des capacités physiques, enregistrement réalisé lors du mois d'octobre de l'année 2025. Avant de commencer d'une manière à proprement dit cet enregistrement, je tiens à mentionner que s'il y a des gens qui l'écoutent et qui apprécient tout le matériel que je rends disponible au fil du temps, parce que j'ai quand même réalisé plusieurs centaines d'enregistrements, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Vous allez retrouver les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Donc, dans les prochaines minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais parler. Je vais fermer les yeux, puis je vais regarder les informations qui vont émerger en moi. En tant qu'ego, l'un des aspects que je trouve difficile à accepter, c'est la dégradation des capacités physiques en vieillissant, dans le sens que lorsque les êtres humains avancent en âge, des fois, ils vont... la plupart du temps, il y a une dégradation de la masse musculaire. Ensuite, souvent passé 40 ans, ben, il y a de la presbytie qui s'installe. Il y a différentes lacunes au niveau physique qui arrivent en lien avec le phénomène de la sélescence, la dégradation des cellules. Et c'est sûr que le questionnement que j'ai, pourquoi qu'il y en est ainsi, puis là, je vais regarder au niveau de l'esprit qu'est-ce qui émerge en moi. Je vais fermer les yeux en utilisant le crayon, puis je fais des barres en haut vers en bas aussi pour induire un état de transe pour, dans le fond, être réceptif à l'information qui peut émerger là, à travers moi. Parce que la dégradation des capacités physiques, je trouve ça difficile à accepter. Je regarde ça par rapport à certaines personnes que je connais. Comme par exemple, j'ai mon beau-père qui est atteint de la maladie de Parkinson. Puis à mesure qu'il avance en âge, je vois la dégradation. En fait, récemment, j'ai été visiter mes beaux-parents. Et puis, mon beau-père voulait sortir dehors là, sur une galerie. Il y a une fenêtre coulissante transparente qui mène à la galerie avec un cadre. Il fallait qu'il enjambe le cadre pour aller sur la galerie, puis il n'était pas capable. La jambe était barrée, le pied n'était pas capable de lever du sol. Donc, il n'a pas pu aller dehors alors qu'il faisait soleil. Il a trouvé ça difficile. Sinon, ben, vu qu'il est atteint de Parkinson, difficulté à avaler, il faut qu'il mange de la nourriture en morceaux. Ensuite, il y a de la bave qui coule. Des fois, il faut qu'il garde un mouchoir dans la bouche pour pas qu'il y ait de la bave qui coule au sol. Ou, tu sais, c'est pas nécessairement, ça y prend plus de temps pour manger. C'est sûr qu'il est âgé de 86 ans, là, on s'entend, là, il n'y a plus 20 ans non plus. Mais en même temps, ben, je trouve ça un petit peu, en tant qu'ego que je regarde ça, je trouve ça plate. Ça n'a pas l'air agréable, sa vie qui devient de plus en plus limitée en termes de capacité physique, puis les contraintes qu'occasionnent la progression de la maladie du Parkinson. Fait que là, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est avoir la perspective de l'esprit par rapport au phénomène de la dégradation physique. Beaucoup de personnes ont des problèmes là, en vieillissant, là, que ce soit la maladie de Parkinson, il y en a qui font de la démence, Alzheimer, etc. Donc, là, il y a de la dégénération physique. Ne serait-ce que comme pour la plupart des gens, la dégradation de la masse musculaire en vieillissant. Donc, je vais poser la question à présent à mon esprit. Pourquoi que l'être humain vit des situations de dégénération physique comme ça? Ce que ça me répond, ben, c'est en lien avec la programmation biologique du corps humain. Le corps humain, présentement, n'est pas fait pour durer éternellement, mais d'une manière temporaire. Est-ce qu'il y a une fonction évolutive derrière la dégradation physique dans le rapport de la conscience à l'ego? La réponse, c'est oui, dans un sens, c'est-à-dire que l'individu qui est confronté à une dégradation de ses capacités physiques, tôt ou tard, il est obligé d'accepter que ce n'est pas lui qui fait ce qu'il veut dans sa vie à 100%, qui contrôle à 100% sa vie. Puis son existence est en relation avec un agenda qui lui échappe. Est-ce que le but de la conscience, c'est d'amener l'individu à arrêter de connaître la dégradation physique? Pas nécessairement. La dégradation physique aussi peut servir à mettre à terre un ego qui peut être orgueilleux, qui se sent tout-puissant en étant confronté aux limites physiques. L'individu ne savait pas aussi, il n'a pas à se sentir coupable de dégrader physiquement ou d'être confronté à des situations comme ça. Tout surplus de réflexions inutiles en relation avec la condition physique est source de souffrance. Dans le sens que si la personne réfléchit une condition qu'elle ne peut pas changer, modifier ou ajuster, c'est une perte d'énergie vitale. Et dites-vous, si vous réfléchissez à votre beau-père qui voit ses capacités physiques dégradées, parce que autrefois il était capable de monter des escaliers, là il a de la difficulté à peine à soulever son pied là, quelques centimètres du sol pour aller, dans le fond, lever le pied au-dessus du cadre de la fenêtre coulissante pour aller sur la galerie, ben c'est moi qui souffre. Donc, la réflexion est inutile. Ce que ça me dit, bien, c'est que les scientifiques humains, dans leur mental, ont des idées qui sont infusées pour ajuster la vie des gens qui vivent des situations de dégradation physique, que ce soit à travers la médication, des traitements innovateurs pour traiter, par exemple, la maladie de Parkinson, la démence, etc. Ce que ça me répond aussi par rapport au phénomène de démence et à l'Alzheimer, il y a dans certains cas de l'astralisation, de la capitulation d'une conscience subjective par rapport à une masse d'énergie astrale qui envahit la conscience. Ça, c'est en relation avec une absence de volonté. Puis là, moi, en tant qu'ego, par rapport à ce qui est dit, bien, je vais dire, ouais, mais il y a quand même une composition physique. Je veux dire, dans l'Alzheimer, il y a une destruction de circuits neuronaux. On peut utiliser l'imagerie par résonance magnétique, puis on peut voir des trous dans le cerveau à certaines places, en lien avec la mort, la destruction de cellules neuronales. Est-ce que ça me dit oui? La maladie d'Alzheimer est en relation avec plusieurs problèmes. Il y a des problèmes liés au stress combinés à une mauvaise alimentation, combinés à un environnement qui est toxique, etc. Ce que ça me répond, c'est que des fois, les êtres humains vont critiquer la conscience, l'esprit, les êtres sur le plan supramental de les conditions de vie dégueulasses, dures, de leur perspective qu'ils peuvent vivre, connaître, ou les gens de leur environnement peuvent connaître aussi. Sauf que l'esprit a composé au sein de l'être humain avec ses limitations. L'esprit fait pas nécessairement ce qu'il veut avec l'être humain, mais il fait ce qu'il peut. Puis l'être humain, par rapport à son corps biologique, fait pas ce qu'il veut, ce qu'il peut. La forme physique, le plan matériel est un plan limité. Donc, la vie à travers un corps biologique, c'est un tissu de contraintes. Le corps biologique est soumis à des forces d'entropie, des forces de dégradation. Pour contrer ces forces-là, ça prendrait des forces d'élévation. Face à la dégénération des capacités physiques, ça prendrait des forces génératives, ça prendrait plus d'énergie, un renouvellement cellulaire. La science technique présentement sur Terre cherche à améliorer la longévité de l'être humain. Mais en même temps, il faut faire attention parce que si on rend la vie plus longue d'êtres humains qui ne sont pas ajustés sur le plan vibratoire, ce ne sera pas un gage d'évolution pour leur existence ou de rayonnement de conscience pour les gens de leur environnement. Des gens très orgueilleux qui vivraient plus longtemps, ça pourrait être très nuisible pour la société ou la civilisation. Sinon, ce que ça me dit, c'est que l'individu est confronté dans la vie à accepter des choses qu'il ne peut pas changer, puis pour être capable de composer intelligemment avec la dégradation de la forme du corps biologique, il faut être libre de la forme. Ça prend un certain détachement. C'est pas un mépris de la forme en passant, là. Ça ne veut pas dire que la personne doit pas prendre soin de sa santé, puis démissionner de sa vie, démission psychologique qui l'amène à sombrer dans la dépression, puis de se laisser aller à la mort, là. Puis sombrer dans la déchéance, c'est pas ça qui est question, mais un sain détachement par rapport au corps physique en relation avec l'acceptation du fait que l'individu, sa vie, il ne contrôle pas nécessairement. Bien entendu, l'individu peut réduire la dégradation du corps physique. Il y a beaucoup de gens qui, au niveau de la science, peuvent travailler à ce niveau-là en améliorant la qualité de l'alimentation humaine, en prenant, par exemple, la nourriture avec des protéines, moins de sucre, etc. Mais le point, c'est que la visée de l'esprit, c'est que l'être humain soit un vecteur d'une vibration. Un individu en stagnation évolutive qui ne peut pas intégrer plus de conscience, premièrement, il n'y aura pas les idées pour diminuer la dégradation de son corps physique intelligemment s'il n'y a pas accès à l'intelligence de l'esprit. Il pourrait avoir accès à l'intelligence de l'esprit, mais s'il n'y a pas à faire ça, il ne le fera pas non plus. Tout ça, c'est subtil. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que vous souciez beaucoup. C'est pas toujours utile, la dégradation de votre corps physique ou celle de personnes de vos proches. Vous devez plutôt vous occuper à vivre et à agir d'une manière ajustée avec la vibration. La préoccupation dans le sens de réflexion est une perte d'énergie. Quelqu'un qui se préoccupe de son vieillissement d'une manière outrancière ou celle de ses proches est astralisé. Pour ne pas être astralisé, c'est-à-dire dominé par des forces qui orientent ou dilapident nos énergies ou qui ont tendance à nous amener à nous émotiver en une forme de tristesse par rapport au vieillissement de certaines personnes. L'idée, c'est pas de mépriser certaines personnes ou de nier la dégradation de leur capacité. C'est surtout pas de s'en réjouir, c'est tout simplement de faire des constats objectifs dans une conscience neutre et objective sur le plan mental, puis d'essayer de composer intelligemment par rapport à ça. Compte tenu de ce qu'on a à faire ou on n'a pas à faire. Ce que ça me dit intérieurement, dans certains cas, il y a des gens qui se dégradent sur le plan physique, puis ils ont une diminution des capacités psychologiques, moins d'énergie pour parler, comprendre, etc. Ça fait partie des cycles d'entropie par rapport à une personne. Pourquoi ce genre de phénomène peut arriver? Bien, c'est parce que, dans le fond, la personne a atteint un plafond dans le cadre de son développement évolutif que pouvait lui apporter une existence sur Terre. Autrement dit, la personne a fait ce qu'elle avait à faire dans sa vie. Puis elle ne peut pas aller plus loin, non pas parce que nécessairement qu'elle ne veut pas, mais qu'elle ne peut pas. C'est un petit peu comme un ordinateur qui a une certaine capacité d'intégrer de l'information ou faire fonctionner des logiciels. Puis à un moment donné, bien, l'ordinateur est plafonné. Donc, c'est ainsi. Chaque personne a une capacité limitée d'intégrer la vibration compte tenu des limites du corps biologique en tant qu'interface entre l'être humain et l'esprit. Puis là, ce qui arrive, bien, c'est que si la capacité physique de la personne se dégrade, ses capacités cognitives, puis elle n'est plus en contact avec l'esprit ou elle ne l'a jamais été d'une manière claire, directe, bien, ça n'ira pas à s'améliorer parce que pour intégrer la fusion avec l'esprit, c'est des chocs. Puis souvent, ça se fait fin vingtaine, début trentaine au maximum. Ça se fait pas à 84 ans, là. Il faut que la personne soit dans la fleur de l'âge en très bonne forme pour intégrer la vibration, l'intelligence de l'esprit, les chocs vibratoires. Ça ne serait pas intelligent, par exemple, quelqu'un en fin de vie, à 86 ans, de vivre des gros chocs vibratoires. De toute façon, si les chocs sont trop profonds, la personne pourrait en mourir, en fait. Ouais. Ça me vient en tête l'idée, par exemple, quelqu'un qui est confronté à un choc de vie important, la personne a déjà des problèmes cardiaques, bon, mais elle fait une crise cardiaque puis elle meurt, là. Tandis que le jeune qui est confronté à un choc qui va créer du stress, des tensions, ça se peut qu'il vive des tensions au niveau du cœur avec des battements irréguliers, mais il ne vivra pas nécessairement une crise cardiaque qui va être fatale. L'individu qui constate la dégradation physique et psychologique de gens qui ont aimé ou qui aiment de sa famille, des amis, etc., au fil du temps, peut faire preuve de compassion. La compassion, pas nécessairement psychologique, spirituelle, bouddhiste, là. Compassion, en fait, le terme qui me vient, c'est plus empathie. Comprendre que la personne est confrontée à un phénomène de vieillissement, de dégradation du corps physique et qu'elle ne peut pas faire autrement que de vivre ça advenant le cas. En raison de l'opérationnalité de loi de programmation du corps biologique, mais l'opérationnalité de loi de conscience. Mais là, il me vient en tête l'idée des gens qui vivent des phénomènes de lucidité terminale. De plus en plus, des gens sur Terre, puis là, c'est rapporté, puis là, il commence à avoir des scientifiques qui s'intéressent, c'est-à-dire que dans les derniers moments de la vie, il y a des personnes qui peuvent atteindre de maladies cognitives importantes. Prenons par exemple la maladie d'Alzheimer. Et tout d'un coup, quelques heures ou quelques jours avant que la personne meure, alors que ça faisait des mois qu'elle n'avait pas nécessairement de propos cohérents, de lucidité, tout d'un coup, elle fait allusion à des faits concrets, à des états de conscience qui émergent en elle, où ce qu'elle va tenir des propos cohérents par rapport à des personnes, même évoquer des souvenirs alors qu'elle ne le faisait plus, quelque temps avant de mourir. Alors que sur le plan physique, le cerveau physique est lourdement endommagé. La particularité d'aujourd'hui par rapport à la science matérialiste, c'est qu'on peut faire des imageries par résonance magnétique du cerveau, qu'on peut sauvegarder des différentes imageries au fil du temps pour, par exemple, étudier la dégradation du cerveau liée à la maladie d'Alzheimer, donc sur plusieurs années. Puis là, on voit que le cerveau est toujours autant dégradé, mais la personne est un peu plus lucide qu'elle pouvait l'être avant, à quelque temps avant de mourir. Alors, à ce moment-là, moi, en tant qu'ego qui regarde le phénomène, je pose la question de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce que ça me dit, c'est que au-delà de l'infrastructure physique des neurones, le câblage, l'aspect mécanique, de la dimension humaine, il existe l'énergie de la conscience qui va travailler l'individu d'une certaine façon. Puis, à quelque part, mais c'est parce que ce que ça me dit, c'est que cette lucidité-là terminale en relation avec la dégradation d'une personne, c'est un petit peu comme une grâce qu'une personne va vivre en fin de vie. C'est pas quelque chose de viable ou que la personne peut contenir à long terme. C'est comme on donne un surplus d'énergie à une personne pendant une certaine période de temps, il y a une certaine capacité d'absorption, mais de faire ça à long terme, de toute façon, ça briserait le corps physique. Ça créerait des tensions. Ce qui me vient en tête, c'est un petit peu comme une machine que si vous la faites fonctionner plus que son seuil habituel, ben éventuellement, elle va casser parce qu'il y a trop d'informations, trop d'accélération. OK, l'image qui me vient en tête, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est habitué à soulever des poids et haltères, donc contenir une charge. Disons que la personne est habituée de soulever 120 livres au bench press. Pourquoi que je dis des livres? C'est parce que je vis au Québec. Peut-être que si je serais en Europe, je dirais des grammes ou des kilogrammes. Puis, à un moment donné, la personne, elle soulève 120 livres, est confortable et sous tension à 140. Bon, ben, ça serait un petit peu comme la garder tout le temps à 140 livres. Puis, à un moment donné, ben, ça peut créer des dommages irréparables. Fait que l'histoire de la lucidité terminale ne pourrait pas être maintenue dans le temps. La lucidité terminale, elle ne vient pas du cerveau physique. Le cerveau physique est endommagé, ça vient de la conscience qui est par-delà le cerveau. Qui s'exprime à travers l'individu, mais qui peut créer lorsque c'est vécu au sein de l'individu, des tensions au niveau cellulaire. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est très énergivore. Mais c'est en relation avec le chevauchement d'un plan de réalité sur la personne. Puis pourquoi que ça peut être permis? C'est tout simplement pour des raisons d'équilibre d'énergie. Résolution karmique, dans certains cas, épuration d'un déséquilibre énergétique familial, ce que certains vont parler d'épuration d'un karma familial. Autrement dit, il y a une volonté à travers la conscience qui anime l'individu de générer un rééquilibrage énergétique par rapport à une autre personne. À travers des propos, une présence lucide, certaines paroles, pour favoriser le deuil éventuel d'une personne, préparer le terrain d'une manière adéquate, ajustée par rapport à des gens de l'environnement. Mais ce que ça me dit quand même, c'est que la lucidité terminale, c'est intéressant parce qu'il me vient en tête que c'est un petit peu comme un phénomène dans certains cas de possession, un peu comme par exemple quelqu'un qui entre en psychose. Bon, ben, il y a des psychiatres qui rapportaient que quelqu'un qui est en état de psychose, il voit sa capacité physique décuplée, augmentée, ce qui fait que des fois, ça prend plusieurs agents de sécurité pour maîtriser quelqu'un en état de psychose parce qu'il y a plus de force que dans son état habituel. Pourquoi? C'est en relation avec la pénétration d'énergie. Dans le cas de la psychose, c'est une pénétration d'énergie astrale. Dans le cas de la lucidité terminale, c'est en lien avec l'activité d'une pénétration d'énergie qui peut provenir de l'esprit ou d'être de haute spiritualité qui ont un souci de rééquilibrage énergétique par rapport à d'autres personnes qui vont s'exprimer à travers l'individu pour mettre fin, dans une certaine mesure, d'une manière un peu plus ajustée à une expérience humaine qui la lie à certaines personnes de l'environnement. Puis le but, c'est que la parole soit porteuse d'ajustements vibratoires qui favorise une plus grande paix, un plus grand vide mental au sein de l'individu concerné. En fait, ce que ça me dit, c'est que si la personne vit la fusion, elle pourrait connaître une dégradation de ses capacités cognitives, capacités de calcul mental, capacités de représentation mentale de forme géométrique, capacité de compréhension de la temporalité, se situer dans le temps, quel jour, quelle heure. Mais si la personne est en fusion, on peut lui donner accès à des états momentanés de lucidité, selon ce qu'elle a à accomplir. Le corps physique peut être pénétré par des forces énergétiques qui échappent à la compréhension des scientifiques matérialistes de l'époque actuelle. Et le phénomène de lucidité terminale est interprété par des gens de haute spiritualité comme étant un miracle du bon Dieu ou du Jésus. Pour un scientifique, c'est un phénomène incompréhensible. Mais c'est parce que c'est en lien avec des lois d'énergie qui leur échappent. Mais éventuellement, il y en aura une compréhension. Éventuellement, la science de l'esprit sera descendue à la surface du globe. Chaque chose en son temps. Qu'est-ce que la personne qui se conscientise, qui est confrontée à un individu en perte d'autonomie, de capacité physique, de son environnement à faire? Ben, ça dépend. Moi, récemment, j'ai un oncle qui est décédé, qui était atteint de la maladie du Parkinson. Mais je n'avais pas nécessairement la vibration de lui parler. Ça fait des années que je ne lui parlais pas. Puis j'avais fait un enregistrement il y a quelques jours par rapport à ça, aux semaines, le temps passe tellement vite. Il est décédé, mais je n'avais pas la vibration d'aller à ses funérailles. Non pas par manque de respect par sa personne, mais par simplement absence de vibration. Je n'avais rien nécessairement à lui dire de mon vivant. Une fois qu'il est décédé, je n'ai pas nécessairement quelque chose à lui dire. Puis si j'aurais voulu être pleinement moi-même en sa présence, j'aurais créé des chocs vibratoires. Est-ce que c'est intelligent de créer des chocs vibratoires pour ajuster une personne en perte d'autonomie qui n'a pas nécessairement la capacité de les contenir ou de s'ajuster intelligemment par rapport à la vibration à laquelle on peut transmettre à travers son être, sa parole, sa présence rayonnante? La réponse est non. Une des choses difficiles à accepter pour l'ego, c'est que dans certains cas, ce qui est intelligent, c'est de parler avec une personne pour l'ajuster. D'autres fois, non. Des fois, on n'a rien à faire. Des fois, ça peut nous dire intérieurement, cette personne-là va connaître une dégradation de ses capacités physiques et cognitives. Vous n'avez rien à faire. Puis si vous obstinez à vouloir faire quelque chose, à ajuster, ça, la personne, ça va être comme un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que la personne n'aura pas la capacité d'absorber votre vibration parce qu'elle n'est pas mise en vibration par l'esprit pour être capable de la capter et de l'intégrer d'une manière pleinement adéquate. Autrement dit, si la réception psychique n'est pas possible pour la personne de capter la vibration que vous émanez à travers votre parole, de vouloir avoir des propos vibratoires pour ajuster la personne, ça va être interprété dans le meilleur des cas d'une manière psychologique, puis ça risque de se retourner contre vous, donc d'être plus nuisible qu'utile. Sur le plan humain, naturellement, quand je regarde le phénomène de la dégradation des capacités physiques, bon, ben, quelqu'un qui a de la difficulté à marcher, on peut l'accompagner pour se déplacer, mais on n'a pas nécessairement pour rôle de lui expliquer qu'est-ce qui se passe par rapport à elle, puis qu'est-ce qui se passe par rapport à elle pourrait être extrêmement choquant, dans le sens de dire à la personne que il est sous le joug de force astrale, la personne qui fait de la démence, d'y expliquer que sa conscience ne peut pas s'élever un taux vibratoire de volonté oppositionnelle suffisamment fort pour mettre en échec les interférences et courants d'énergie astraux qui sont en train de coloniser d'une manière intensive sa psyché. Donc, si on expliquerait qu'une personne a de moins en moins la puissance de déloger l'astral dans sa conscience, puis c'est un cercle vicieux, puis qu'elle ne peut rien y faire, ça risque de l'amener à réfléchir et de se sentir impuissante. Donc, ça va être nuisible plus qu'autre chose. La personne n'a pas nécessairement à dévoiler à l'autre sa condition psychique. De toute façon, quelqu'un pourrait interpréter comme étant orgueilleux d'une personne qui va dire à l'autre, ben, t'es comme dans le pétrin, tu vis ça, mais tu ne peux rien faire d'autrement parce que tu es soumis à des lois qui te lient au corps biologique, des lois de programmation d'âme qui fait en sorte qu'il ne peut pas en être autrement. Donc, c'est comme une fatalité. Exposer une personne à une fatalité, c'est pas intelligent. Pourquoi la dégradation physique puis la mort? Ben, c'est parce que dans certains cas, c'est une porte de sortie pour mettre fin à une expérience qui peut pas aller plus loin sur le plan de le développement d'une conscience. Autrement dit, la conscience peut atteindre un plateau évolutif en relation avec le fait du corps physique n'est plus adapté, ajusté pour qu'elle intègre davantage de chocs vibratoires, ce qui fait que, dans le fond, par la suite, ben, elle n'a d'autre choix que de connaître et de subir la condition qu'elle subit. C'est des lois d'entropie de la forme qui sont vraiment, quand je le regarde avec l'ego, mon ego, où je les réfléchis, sont dégueulasses. Mais c'est parce que je donne la valeur à l'importance d'être jeune, en santé, d'être en bonne forme physique. Tant que je donne des valeurs à des choses comme ça, subjectives, tant que je donne le pouvoir au fait, à ce qui ne va pas dans ce sens-là, de me faire souffrir ou de faire souffrir les gens de mon environnement. Il y a une dimension psychologique, tant que je réfléchis que c'est une bonne chose d'être en santé, ben c'est ça, c'est que mon regard est polarisé. C'est comme, par exemple, moi, j'ai une jeune fille, elle va avoir bientôt 3 ans, dans quelques semaines. Puis là, je vois qu'elle se développe. Tu sais, du jour au lendemain, elle parle de plus en plus. Elle fait des phrases plus complètes, meilleure mobilité physique. Donc, elle est plus à l'aise avec son corps pour marcher, pour courir. Tu sais, il y a un développement. Tu sais, un bébé, au début, ça ne marche pas. À un moment donné, ça se met à ramper. À un moment donné, ben, ça se met non seulement à marcher, mais à courir. Et là, ma compagne observe ça aussi, fait que c'est intéressant. Mais en même temps, ben, je vois des personnes de mon environnement que leur capacité physique dégrade, ou moi-même, j'ai un changement de vision qui fait en sorte que sur le plan de ma condition physique, bon, ben, moi, je suis atteint de myopie, mais là, à cause que mes yeux changent en vieillissant, là, je suis obligé d'enlever mes lunettes pour regarder de proche, pour être capable de voir comme faut de proche les petits caractères. Donc, là, je ne veux pas avoir des foyers sur mes lunettes. Fait que je résiste à la condition. Je trouve ça plate. Mais présentement, au niveau de ma conscience, ça ne m'affecte pas, ça ne m'empêche pas de fonctionner. L'une des réalités difficiles à accepter quand que je réfléchis par rapport à ma personne, c'est que mon corps biologique, ma conscience, est en relation avec un contexte planétaire limitatif au niveau de mon absorption d'énergie de l'esprit. La capacité d'énergie qui provient du plan éthérique qu'une personne peut intégrer de son vivant est limitée, je regrette. Bien que le plan éthérique est un niveau de réalité infini, de par la substance médiatrice entre le plan éthérique et la conscience humaine, qui est le corps biologique, en tant qu'espace tampon d'absorption d'énergie, il y a des limites. Quel est le but de la vie? Bien, c'est sûr, ça me répond, c'est d'intégrer l'énergie, d'en être le vecteur à un certain niveau, de s'ajuster vibratoirement. Plus que la personne est capable de contenir puis d'intégrer des descentes d'énergie, plus qu'elle est susceptible d'en vivre. Ce que ça me dit, ce qui est intelligent pour l'être humain, c'est de ne pas faire interférence aux descentes d'énergie qui proviennent de l'esprit, mais d'agir en concordance par rapport à elles plutôt que de retarder le mouvement sous l'influence, entre autres, de forces retardataires. Mais c'est tellement difficile de ne pas avoir de résistance par rapport à l'esprit tant qu'on est un ego puis on a la capacité de réfléchir. Ce que ça me dit, c'est qu'au lieu de passer du temps à vous morfondre par rapport à la dégradation physique de gens de votre environnement ou de réfléchir à ça, utilisez donc votre énergie créativement pour vous manifester à travers la parole, faire des actions concrètes dans votre quotidien qui sont porteurs de sens pour vous, comme par exemple, c'est intéressant, ça me dit de vous occuper de la bourse, de gérer vos placements en matière de crypto-monnaie. Mais là, ce que ça me dit en même temps, ben, illusionnez-vous pas, là. Le but dans votre vie, c'est pas de devenir riche en investissement sur le Bitcoin puis les altcoins. Le but de votre vie, c'est que vous intégrez la vibration de l'esprit. Ce que ça me dit, les crypto-monnaies, ultimement, on s'en calisse, on s'en fout. Ce qui compte, par contre, c'est que vous soyez ajusté de plus en plus sur le plan vibratoire. L'héritage réel associé à votre vie que vous pouvez tirer de votre existence physique, c'est votre conscience transformée, transmutée, ajustée vibratoirement. Bien entendu, le coffre-fort ne suit pas le corbillard, puis encore moins les cryptos. T'sais. La personne qui se ramasse sur un autre plan de réalité, elle n'amène pas elle. Son or virtuel, le Bitcoin, encore moins l'or physique qu'elle peut avoir accumulé de son vivant. La bourse, les crypto-monnaies, c'est des moyens. Ce que ça me dit intérieurement, du jour au lendemain, nous autres, on peut tout crisser à terre le système, puis tout ça peut s'écrouler. Puis votre compte, ben, c'est pas très compliqué. Il suffit d'une erreur, problème de code de connexion, nom d'utilisateur. Piratage de votre compte, puis tout est fini. Tout ça est fragile, là. Votre vie est fragile. C'est parce que ça me dit intérieurement que vous ne pouvez pas vraiment trop faire de folie ou si vous faites de l'argent avec des cryptos, vous orgueillez par rapport à ça, parce que tout ça, c'est comme des formes qui sont là, qui se présentent, qui peuvent sortir. Il y a des réalités occultes qui tirent les ficelles derrière l'argent que vous avez et que vous n'avez pas. Des forces qui sont astrales ou mentales. Mais bon, là, je vais revenir au sujet principal, là, la dégénération des capacités physiques. Mais ce que ça me dit, c'est que vous n'avez pas le choix à un moment donné d'accepter que votre corps se dégrade physiquement. Vous devez, au lieu de résister au courant, puis à vouloir ramer à contresens, puis dépenser une quantité d'énergie fulgurante pour empêcher ça, composer avec le courant pour pas vous noyer. Quelqu'un qui veut ramer ou nager, devrait dire, à contresens. À un moment donné, c'est épuisant. Vous devez composer avec la dégradation de votre corps physique, mais vous pouvez le faire intelligemment. Puis si vous n'êtes pas astralisé à un certain niveau, vous pouvez limiter les dégâts. Tu sais, quelqu'un qui est astralisé par l'alcool, puis il se met à boire compulsivement de l'alcool ou fumer de la drogue, Bon, ben à ce moment-là, ça peut amener une dégradation prématurée du corps physique. À un moment donné, en tant qu'ego, il m'est venu, là, il me vient en tête l'anecdote que j'avais rencontré un gars qui était atteint d'un cancer à l'intérieur de ses narines. Je trouvais ça particulier. Puis là, par la suite, en discutant avec lui, j'ai compris que la personne, lui avait pris de la cocaïne qu'il avait sniffée. Ça a amené des micro-déchirures par rapport à ses narines sur plusieurs années. Et à un moment donné, bien, naturellement, l'inflammation, l'irritation, ça dégénérait en cancer. Un petit peu comme le cas que j'avais entendu dans une vidéo. Il y avait une femme, elle voulait être en santé. Elle avait le désir spirituel d'être en santé. Fait qu'elle prenait du thé où c'était une tisane qui comportait des antioxydants, en disant, en faisant ça, ben j'attraperais pas le cancer, sauf qu'elle faisait ça 4 fois par jour, puis c'était dans de l'eau chaude. Résultat, l'eau chaude est interprétée par l'organisme comme étant une micro-agression à la gorge, puis elle a développé un cancer de la gorge en voulant précisément prendre des antioxydants pour ne pas attraper le cancer. Donc, ça fait partie des paradoxes. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites, comme la personne qui prend de la cocaïne, puis là, elle développe un cancer parce qu'elle a tout inflammé le tissu à l'intérieur du nez, ou la personne qui prend beaucoup d'alcool. Il y a des comportements que la personne qui est ajustée avec l'esprit peut faire pour limiter les dégâts, pour ne pas les accentuer ou les empirer liés au phénomène du vieillissement ou de la dégradation. Mais ce que ça me dit en même temps, c'est pas tout le monde qui a à vivre longtemps. La preuve, tu as des enfants qui meurent, tu as des gens de tous les âges qui meurent. En fait, ce que ça me dit, puis c'est dur, au niveau de l'esprit, ce qui tient en vie une personne, c'est le fait qu'elle peut continuer à connaître et à vivre des ajustements vibratoires. Et bien à présent, le cas du doc Mayou, le docteur Pierre Mayou, psychiatre au Québec, qui longtemps a fait des émissions où ce qu'il faisait... des discussions avec le public, de la consultation dans le domaine de la psychiatrie. Mais ce que ça me dit intérieurement, c'est que ce gars-là, il a été modifié sur le plan occulte. Ironiquement, le gars, il est athée, mais par moments, à travers la colère qu'il exprimait, à travers ses interventions, ses émissions, vous en avez plusieurs centaines sur YouTube, il véhiculait une vibration transformatrice. Le gars, il était athée, là. Pour lui, l'esprit, le double, tout ça, c'était des niaiseries, mais en même temps, il était pénétré par une vibration de ce que ça me dit, qui était liée à l'esprit. Puis ce gars-là, il est mort, il était dans les 60, je pense qu'il avait 74, 75 ans, là. Puis par rapport à sa psychologie, c'est un homme très travaillant. Puis il ne se voyait pas passer le reste de sa vie à se bercer dans un fauteuil de ce que j'avais compris. Il y a une vibration active, puis au niveau de l'esprit, en tant que tel, l'esprit travaille une personne ou va chercher à travailler d'autres personnes pour qu'elle soit en situation d'interface. Un peu comme le psychiatre qui faisait de la consultation avec plusieurs personnes. Bon, bien, sa parole, à certains niveaux, était un vecteur d'ajustement vibratoire. Selon sa capacité de contenance, naturellement. Sa vibration n'était pas tout le temps ajustée, ses propos non plus, c'est un être humain. Même chose pour tout être humain qui peut être en contact avec une source. Sauf que, au niveau de sa conscience, son esprit, lui, c'était pas de se bercer, par exemple, pendant 10 ans de temps, de 75 à 85 ans, en attendant la mort, là, dans une chaise à écouter des émissions de téléromans là, à chaque après-midi. Il n'y a pas une vibration pour ça. Donc, il est mort dans une situation où il était encore en travail en tant que psychiatre, puis aussi à travers ses enregistrements. Des fois, je réécoute, là, c'est moi qui embarque en tant qu'ego, des fois, je réécoute ses enregistrements parce qu'il y en a qui sont porteurs d'une vibration, ils créent des chocs, ils confrontent des personnes, ils montent en colère. À certains niveaux, ils créent des ajustements. Le but de l'esprit, en réalité, c'est d'ajuster un monde imparfait, celui de la forme, pour le coloniser sur le plan vibratoire, pour l'amener plus loin. Puis il le fait à différents niveaux, à travers les idées que les êtres humains ont dans leur tête pour, avec une sensibilité grandissante, améliorer le sort des malades. On a vu que il y a un développement pharmaceutique qui s'est fait, un développement de thérapie aussi à différents niveaux sur le plan psychologique, mais ce n'est pas fini. Tout ça va continuer avec le temps. Bien, en fait, ce qui compte pour l'esprit, que la personne connaisse une dégénération sur le plan physique ou pas, ce qui compte pour l'esprit, c'est que la personne soit un vecteur d'une vibration porteuse d'intelligence et de vitalité. Puis qu'ultimement, la personne s'ajuste à lui. Que la personne soit riche, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit investisseur en crypto ou pas, dans les crypto-monnaies, à la bourse ou pas, qu'elle ait un actif net important à chaque année ou pas, tout ça, c'est des éléments, des contraintes planétaires temporaires. Le vrai enjeu au niveau de l'esprit, c'est de faire passer une conscience d'un point A à un point B, et tous les moyens de manipulation possibles et imaginables sont permis pour ça. Même d'exposer la personne à des situations hautement traumatiques. Et ça fait partie du drame humain. Si moi, par exemple, d'être exposé à quelqu'un qui connaît une dégénération sur le plan physique m'amène à parler avec l'esprit d'une manière vibratoire, ben, au niveau de l'esprit, le fait que je suis en contact avec eux pour m'ajuster dans ma conscience, pour une plus grande compréhension de la vie, c'est intelligent. Si ça m'amène à faire un enregistrement par rapport au public en lien avec ça, ben c'est intelligent. Ultimement, ce qui est intelligent au niveau de l'esprit, c'est ce qui crée de l'ajustement vibratoire. Est-ce qu'avec le temps, les corps biologiques vont pouvoir vivre plus longtemps sur Terre? Oui, à un certain niveau par rapport à certains types de manipulations liées au génie génétique. Il y a au développement de la science combinée, l'intégration de la technologie, l'intégration de l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que c'est souhaitable au niveau de l'esprit? Pas nécessairement. Dans le sens que si la personne est orgueilleuse, comme mentionné précédemment, ben, si elle vit plus longtemps, ben, elle va continuer dans sa stagnation évolutive sur Terre plus longtemps. Ce qui cause sa stagnation évolutive, dans certains cas, naturellement, c'est une dégradation rapide des capacités de la personne qui l'amène à la mort. Parce que la personne, elle vient pas sur la Terre pour passer, disons, plusieurs décennies à se bercer dans une chaise, nécessairement, là, en écoutant des émissions de télé-réalité. La personne vit en relation avec un travail d'énergie qui s'opère au sein d'elle. Dans certains cas, le travail d'énergie est en relation avec les proches d'une personne. Dans certains cas, c'est implicite. La personne, dans le fond, elle peut être garagiste ou mécanicienne, elle parle avec une autre personne dans le cadre de son travail. Elle peut véhiculer une vibration qui va générer un ajustement vibratoire beaucoup plus important que l'autre. Qui est dûment diplômé en psychologie avec un doctorat, puis qui travaille comme psychologue depuis 30 ans. La vibration n'a pas nécessairement rapport avec l'éducation, mais avec ce qui peut émaner d'une personne. Il y a des présences qui dérangent. Là, il me vient en tête l'idée d'une personne qui va dans une résidence de personnes âgées avec un taux vibratoire élevé, puis là, les patients qui sont. Ce joug astral qui sont atteints de démence, leur entité sont pas contentes parce que ça a pris une perturbation énergétique. Puis là, à ce moment-là, ils s'en prennent à celle qui a le plus haut taux vibratoire. Puis là, il y a des gens avec le regard vide, car sous dictée astrale, dans le brouillard de l'énergie astralisée qui est liée au monde de la mort, qui sont des pantins téléguidés par l'occulte, sans inhibition, qui peuvent se mettre à cracher, à battre une personne qui a un taux vibratoire un peu plus élevé. C'est écœurant, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Pourquoi? Ben parce que sa vibration les dérange. L'astral veut pas être délogé, l'astral veut pas être dévoilé. L'astral veut continuer à empiéter sur le territoire physique et psychique de certains lieux. La personne qui va dans les résidences de personnes âgées, où il y a beaucoup de personnes atteintes de démence ou en perte d'autonomie, qui sont très astralisées lourdement, C'est sûr que si elle est dans son identité, elle peut se faire attaquer. Mais le drame humain, c'est que c'est pas nécessairement volontaire des individus, mais c'est parce que c'est plus fort qu'eux, mais c'est parce que c'est plus fort eux parce qu'ils n'ont pas la capacité de contenance, ils n'ont pas la puissance de volonté oppositionnelle pour limiter l'expression du mouvement astral à travers eux. Ils ont perdu des inhibitions. Des gens qui âgés, un peu comme des enfants, ils ont moins d'inhibitions, ils ont moins la capacité de freiner certains mouvements, certaines pulsions, etc. C'est un cercle vicieux. La personne de constater que tu as des gens qui sont impuissants puis qui ne peuvent pas être autrement qu'impuissants parce qu'ils n'ont pas la vibration pour monter en puissance. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de ne pas se laisser astraliser. Puis qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils vont être impliqués dans des combats psychiques. Ce qui arrive, c'est que la personne qui a un taux vibratoire plus élevé, c'est comme de l'eau chaude. Puis elle va dans un environnement avec de l'eau froide. Puis les poissons qui sont habitués de vivre dans l'eau froide, en étant confrontés à plus de chaleur, ils n'aiment pas ça. Fait qu'eux autres, ils vont essayer de neutraliser, s'ils peuvent, l'élément qui génère la chaleur pour le rendre froid, mort. Le rang astral. Donc, si la chaleur, c'est l'esprit, puis l'eau froide, c'est l'astral, bien, ils vont essayer d'amener une dégradation vibratoire au sein de l'individu parce que ça leur crée une tension énergétique. C'est un petit peu comme quelqu'un qui est habitué à soulever 120 livres, puis tu demandes de soulever 140 livres, tu y crées un choc, là. C'est le même principe. Ce qui fait que les soignants, les aidants dans des résidences de personnes âgées, dans certains cas, vont être attaqués de manière multiple par l'astral des gens qui sont les personnes qui bénéficient de leur service. Ce qui fait que ce travail-là, dans certaines mesures, dans certains cas, peut être extrêmement ingrat sur le plan occulte, dans le sens qu'il y a une partie du travail qui n'est pas nécessairement reconnue, c'est-à-dire le travail de contenir la vibration astrale de gens qui sont astralisés, qui ne peuvent pas faire autrement compte tenu des lois de programmation qui jouent en leur défaveur, et le fait qu'ils ne sont pas marqués pourvu la fusion de leur vivant pour les amener à toucher une conscience plus lucide. Bon, mais si ce travail-là n'est pas reconnu, le fait que ça les expose à des expositions énergétiques au niveau occulte parce que c'est voilé, ben c'est sûr que quelqu'un qui réfléchit à ça sur le plan psychologique peut trouver ça souffrant. Mais le point que je veux faire, c'est que la personne a à vivre sa vie par rapport à elle, à intégrer ce qu'elle peut, non pas ce qu'elle veut, parce que le désir de l'ego, naturellement, c'est pas lui qui peut... L'ego peut pas devancer le temps d'intégration de la conscience ou de l'énergie. Chaque chose se fait en son temps. Puis l'ego que l'illusion d'être aux commandes de sa vie ou que les gens sont aux commandes de la vie, se leurre. Et des fois, ce leurre-là est défait quand il est confronté à des problèmes de santé physique qui lui échappent. La personne qui avance en âge, qui a des problèmes de prostate pour uriner, problèmes de mal de dos, problèmes de mal de genoux, etc. Puis il voudrait changer les conditions, puis il ne peut pas. Bien, c'est des deuils. La conscience permet à l'individu de faire le deuil de ses capacités physiques, de son deuil aussi, dans une certaine mesure, de ses relations avec ses proches, de son portefeuille financier, son portefeuille d'investissement, etc. L'individu en tant que tel, de par sa volonté subjective, ne peut pas réécrire les lois de la vie. Il y a des scientifiques qui vont chercher à réécrire le code génétique de l'être humain, faire de l'édition génétique en utilisant les technologies CRISPR. Bon, ils peuvent faire certaines réussites à certains niveaux, mais ça ne sera pas absolu. Ce que ça me dit, c'est que le rapport au vieillissement est appelé à changer avec le temps, à mesure qu'il y a une compréhension qui s'installe au sein de l'être humain des lois d'énergie. La stagnation va à l'encontre de l'évolution. Et si une personne stagne dans une condition évolutive ou de dégradation, où ses capacités cognitives et physiques se dégradent, ben, à un certain niveau par rapport à l'esprit, bien que ça soit dur à entendre pour les proches de la personne, ça devient intelligent qu'elle décède ou elle passe à un autre plan de réalité, sa conscience. C'est sûr que c'est, dans le fond, mais cette réalité-là que les limites des capacités physiques, on peut voir ça en termes d'intégration et d'acceptation. On peut le voir à un certain niveau à travers le phénomène de mourir dans la dignité ou les gens qui vont demander l'aide médicale à mourir. Qui est en lien avec une acceptation qu'une condition physique ne peut pas être améliorée dans un certain cas. Il y a un plafonnement, puis il y a une souffrance vécue psychologique de l'individu qui est grande. Est-ce que l'aide médicale à mourir dans certains cas peut être ajustée? La réponse est oui. Est-ce que dans d'autres cas, elle ne l'est pas? Oui. Est-ce que ça peut amener à des abus, l'aide médicale à mourir? Certainement, comme dans toute chose. Quelqu'un peut abuser de l'alcool, peut abuser de la cigarette, mais il peut s'abuser de sa conscience. Mais c'est parce que des fois, ce qui est difficile à comprendre pour beaucoup de personnes, c'est que la même action, la même chose peut être ajustée vibratoirement à un moment donné, puis à un autre moment, ne l'est pas. Quelqu'un qui obtient l'aide médicale à mourir alors que la personne se dirige vers une dégradation accélérée de ses capacités cognitives et physiques. Est-ce qu'il y a de l'intelligence là-dedans, plutôt que souffrir sur la terre, puis faire du temps sur terre un peu comme une prisonnier d'un corps qui devient de plus en plus limité? Dans certains cas, ça peut être ajusté. Dans d'autres cas, la personne qui demande l'aide à mourir parce qu'elle est déprimée, puis elle a 30 ans, puis elle est atteinte d'un problème de dépression majeure, mais qui pourrait être ajusté vibratoirement en disant que ben là, j'ai un problème de dépression, c'est chronique, etc. Ça ne l'est pas. Ça dépend des cas. Tout ça, c'est subtil, c'est délicat. Ça demande du discernement. Puis le discernement, ça vient de l'esprit. Puis pour avoir accès au discernement, bien, il faut être en contact avec l'esprit. Mais si vous n'êtes pas en contact avec l'esprit, vous ne pouvez pas avoir accès au discernement. Puis à ce moment-là, vous ne pouvez pas agir en faisant preuve de discernement, ce qui est un servicieux. Bon. Je vais arrêter présentement l'enregistrement. Je veux avoir, en tant qu'ego, ça c'est mon désir d'ego, je veux avoir une conclusion intelligente à l'enregistrement présent sur la dégradation des capacités physiques. Ce que ça me dit, c'est perdez pas trop de temps dans votre vie à réfléchir à la dégradation de vos capacités physiques. Occupez-vous d'être en santé, physiquement, psychologiquement, d'être cohérent, d'être à l'écoute de nous. Puis vous avoir pu vous ajuster à nous autres en n'étant pas trop tête de cochon, boqué, fermé. Puis vous aurez atteint quelque chose de grand de votre vivant sur le plan de la transformation et de l'intégration de notre énergie en votre sein, dans l'optique de vous amener plus loin dans la compréhension de vous-même. Et pour obtenir une plus grande vitesse de transport en tant que conscience, qui éventuellement se véhiculera sur différents plans de réalité, avec une capacité de propulsion bonifiée en relation avec l'intégration de notre présence en vous. Bon, ben, c'est quand même intéressant. Donc, c'est ce complète enregistrement présent. Comme je vis sur un plan physique qui est régi par des lois limitatives, dont celle de l'argent, ben, écoutez, et que je suis dans une situation avec des contraintes physiques, financières, ben, si vous appréciez cet enregistrement ainsi que les autres que je rends disponibles au public, parce qu'il y en a quand même plusieurs centaines, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Vous allez retrouver les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Et puis, bien, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.